Parlez-vous avec X, Patrick Pénaud. Est-ce une affaire d'espionnage ou une disparition qui relèverait du simple banditisme? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle embarrasse beaucoup les agences états-uniennes de renseignement à tel point qu'elle a déjà provoqué un mini-scandale au sein de la CIA et une sérieuse gêne dans l'administration américaine. Mais l'affaire Levinson, puisque tel est le nom de l'homme dont on est sans nouvelles depuis de nombreuses années, pourrait aussi être liée à une autre disparition mystérieuse, celle d'un éminent général iranien qui a lui-même été mêlé à quelques-uns des épisodes les plus troubles de ces dernières années. C'est ce que croit savoir M. X qui ouvre donc cet étrange dossier. Qu'est-il arrivé à Robert Levinson, ancien agent secret états-unien qui, selon toute probabilité, n'avait pas vraiment rompu avec le milieu du renseignement? Et que faisait-il sur une île iranienne située dans le golfe Persique? Enfin, s'il a été enlevé, qui est responsable et pourquoi? That you long to. Rendez-vous avec X. Il faut d'abord remarquer que si ce Levinson a vraisemblablement été enlevé en 2007, ce n'est réellement qu'à la fin de l'année dernière qu'on en a beaucoup parlé aux États-Unis. Alors, pourquoi ce long silence ? Il n'y a que deux explications. Ou bien on considérait que sa disparition n'était pas inquiétante, ou alors on jugeait qu'il ne fallait pas trop en parler. C'est souvent le cas dans les affaires de prise d'otage. Oui, les proches estiment que le bruit fait autour d'un enlèvement nuit à celui qui a été kidnappé. Et ça peut aussi conduire les kidnappeurs à devenir encore plus gourmands s'il y a une demande de rançon. C'est exact. Mais là, manifestement, il y avait autre chose. Aux États-Unis, dès le départ, on a senti que cette affaire n'était pas ordinaire et pouvait même devenir très embarrassante. Pas pour le pouvoir ? Essentiellement. Mmh. Alors, voyons d'abord qui est ou qui était Robert Levinson. Qui est-elle ? Vous pensez qu'il est mort ? C'est une éventualité qu'on ne peut exclure. Au moment de son enlèvement en 2007, Levinson va avoir 59 ans. Un homme grand et un peu trop enveloppé, ce qui lui vaut deux sérieux problèmes de santé, diabète et hypertension. Et donc la prise quotidienne de médicaments. Et c'est aussi pourquoi on peut se demander si Levinson est toujours vivant. Autre chose, d'un père de famille nombreuse, il a 7 enfants dont certains sont encore à charge. Et ça explique aussi pourquoi Levinson veut continuer à travailler alors qu'il pourrait certainement profiter de sa retraite. Mmh. Alors quel a été son parcours professionnel ? Il a passé 28 ans en tant qu'agent de la DEA, puis du FBI. Oui, la DEA, c'est l'agence antidrogue américaine. Oui, de la vie générale, ce vétéran est un excellent professionnel. On lui reconnaît un vrai talent pour gérer ses sources et créer des réseaux d'informateurs. Mmh. Et l'homme lui-même, là ? C'est un personnage très sociable, habile pour faire parler les gens, gagner leur confiance. Et donc leur soutirer des renseignements utiles. En effet, c'est tout un art. En tout cas, cet aspect affable fait que Levinson est généralement très apprécié dans les milieux qu'il fréquente. Alors, aucun point noir ? Un seul. Il a une fâcheuse tendance à ignorer les conseils de ses supérieurs et à en faire à sa tête, même quand il fait fausse route. Ça, dans son métier, là, c'est gênant. Assurément, car Levinson donne l'impression de trop croire en sa bonne étoile. Ouais. L'homme de bonne compagnie est donc aussi un individualiste qui fait cavalier seul. C'est le sentiment de ses anciens collègues du FBI. Alors, voyons plus précisément en quoi consistait son travail. Au début des années 90, c'est-à-dire au moment où l'Empire soviétique implose, Robert Levinson est installé à Miami et enquête sur les cartels sud-américains de la drogue. Mais bientôt, il va s'intéresser aux mafieux russes qui commencent à faire leur nid en Floride. Et c'est à cette époque, alors, sans doute, qu'il va collaborer avec le FBI. Bien entendu. Levinson devient alors un spécialiste reconnu du crime organisé russe et des méthodes de ses hommes de main. Et dans le cadre de son métier, il va faire une rencontre décisive pour la suite de sa carrière. Je vous écoute. Dans ces années 90, le département états-unien de la justice décide la tenue d'une conférence sur le crime organisé à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Et bien sûr, Levinson en est. Oui, et il écoute avec intérêt la communication d'une analyste de la CIA, une certaine Anne Jablonski. Qui est-ce ? Cette jeune femme est alors la meilleure spécialiste de la mafia russe. Selon ses collègues, sa mémoire sur ce sujet est encyclopédique. Non seulement elle connaît par cœur l'organigramme du crime organisé, mais elle a répertorié tous ses membres, leur nom, leur pédigré et leur place dans la hiérarchie. Elle sait tout. Jablonski est même si pénétrée de son sujet que lorsqu'un conseiller de la Maison-Blanche a besoin d'un éclaircissement dans ce domaine, il fait appel à Anne Jablonski. J'ajoute qu'au sein des analystes de la CIA, son caractère détonne. Pourquoi ? C'est une originale ? Une forte personnalité, en tout cas. Quoi qu'il en soit, à l'issue de cette conférence, Levinson prend contact avec elle. Et ils sympathisent, d'autant que leurs vues et leurs méthodes de travail sont semblables. Ils vont se revoir. Ils vont surtout commencer de longs échanges de correspondances via Internet. Quoi, toujours à propos du crime organisé ? Évidemment. Anne Jablonski finit même par inviter Levinson au QG de la CIA à Langley, afin qu'il vienne parler à ses collègues de son domaine de prédilection. Alors qu'il existe toujours, traditionnellement, une rivalité entre les deux agences américaines. Alors Jablonski et Levinson sont donc devenus amis. C'est certain. Alors la suite, en 1998, Levinson prend sa retraite du FBI. que va-t-il faire? Il travaille d'abord pour plusieurs sociétés d'investigation et de renseignement. Oui, elle pullule aux États-Unis. Hein. Surtout depuis le 11 septembre 2001, oui. Puis Levinson se met à son compte. Détective privé, donc? Oui, c'est à peu près ça. Il fait fructifier son fonds de commerce. Oui, sa connaissance du crime organisé. Ah, qu'il ne cesse d'enrichir au fil des années. Ouais. Et où travaille-t-il alors? Essentiellement chez lui, à Coral Springs, en Floride. Et continue-t-il à avoir des relations avec Anne Jablonski? Naturellement. Il faut observer qu'à la CIA, la jeune femme a pris du galon en même temps qu'on lui a confié un autre domaine d'investigation. Fini le crime organisé. Après le 11 septembre, elle s'occupe essentiellement de terrorisme. Elle est même chargée d'effectuer un rapport quotidien sur les menaces terroristes à destination des plus hauts dirigeants de l'agence. Et c'est maintenant le sujet le plus important pour la CIA. Oui, à la suite des attaques du 11 septembre, la CIA met le paquet sur le renseignement antiterroriste. Et comme vous l'avez vous-même dit il y a un instant, l'agence recrute un nombre considérable de contractuels extérieurs. Mmh. Anne Jablonski, chargée de ce briefing quotidien, est donc considérée comme un agent remarquable. Incontestablement. Et Levinson, lui Dans un premier temps, il continue à enquêter sur les sujets qu'il connaît parfaitement bien, le blanchiment d'argent et la corruption internationale. Et sa compétence dans ce domaine va lui valoir en juin 2006 d'être recruté comme consultant externe par la CIA. Anne Jablonski a-t-elle joué un rôle dans ce recrutement? Certainement. Elle l'a chaudement recommandé à Tim Sampson. À la CIA, ce dernier est le patron d'un curieux service qui s'appelle le groupe des finances illicites et dépend du département des questions transnationales auquel appartient elle-même Anne Jablonski. Et au fond, c'est un peu comme si c'était cette dernière qui l'avait embauchée. D'ailleurs, les deux amies vont continuer à communiquer par email et en usant de pseudonymes. Elle, c'est Toots, et lui, c'est Buck. Pourquoi ces pseudos, cette correspondance, par prudence? On peut l'imaginer, mais il y a aussi le fait qu'ils ont développé une relation très particulière. Quoi, sexuelle? Vous avez l'esprit mal placé, monsieur Queneau. Non, ces deux-là prennent des précautions, parce que le lien qu'ils ont établi échappe au contrôle de la hiérarchie de la CIA. Donc, ils ne veulent pas être pincés. C'est quand même un peu bizarre, hein. Enfin, en tout cas, si j'ai bien compris, là, désormais, Levinson va collaborer avec la CIA sans toutefois être officiellement un agent. Ah, c'est tout à fait ça. Et un peu plus tard, ce sera la source de maintes ambiguïtés. Mais n'allons pas trop vite. Levinson, lui, est ravi, car il avait très envie de travailler à nouveau pour une agence de renseignement gouvernementale. Et grâce à son ami Jablonski, c'est fait. Et on lui signe un contrat de 85 000 dollars. Mais quelle va être la nature de son travail? On lui demande de se déplacer et d'être à l'affût. Mais pas n'importe où, bien sûr. Dans les pays qui intéressent la CIA, le Venezuela de Chavez, par exemple, ou encore l'Iran. Et pour un citoyen américain, l'Iran, c'est délicat. Hein. Certes, mais il y a des moyens pour obtenir des informations sans forcément pénétrer à l'intérieur du pays. Encore que, vous allez le voir, Levinson va risquer le coup. Mmh. Que cherche précisément la CIA à propos de l'Iran? Les sujets d'intérêt, si j'ose dire, ne manquent pas. Le nucléaire? Bien entendu. Mais aussi les conséquences des sanctions commerciales sur l'économie et l'état d'esprit des Iraniens. Et aussi d'éventuelles informations sur la corruption des dirigeants. Ouais, ça, c'est un peu la spécialité de Levinson. D'accord. Mais il y a quand même un gros problème. Levinson ne connaît absolument rien à l'Iran. Sur son blog, en décembre 2013, Georges Malbruno du Figaro décrypte la nature des rapports qu'entretiennent Robert Levinson et Anne Jablonski. L'homme, alors âgé de 59 ans, est devenu enquêteur privé après une carrière au FBI et ses fréquents déplacements intéressent des analystes de l'anglais qui travaillent sur les circuits financiers illicites qui permettent à la République islamique d'Iran de contourner l'arsenal des sanctions internationales qui lui est imposé en raison de ses ambitions nucléaires. Anne Jablonski l'embauche à titre contractuel pour lui faire faire des rapports. Buck, le nom de code de Levinson, se pique à l'idée de jouer sur le tard les James Bond. De son côté, Toots, pseudonyme de Mademoiselle Jablonski dans les emails qu'elle adresse à Buck, pense avoir flairé le bon indicateur lorsqu'au début 2007, Levinson lui assure connaître un informateur familier des circuits de la corruption en Iran, pays ennemi des États-Unis, qui l'accuse d'aider des mouvements terroristes comme le Hezbollah libanais et de fabriquer la bombe à des fins militaires. Avant d'aller plus loin, il vous faut connaître les rivalités qui existent au sein de la CIA. Pour simplifier, je dirais qu'il y existe deux groupes antagonistes. D'un côté, les analystes et de l'autre, les agents qui opèrent sur le terrain. Cela recueille et rassemble des renseignements et recrute des informateurs, tandis que les premiers réceptionnent la masse des informations, les traitent et les rendent accessibles aux décideurs de Washington. Oui, donc deux manières complètement différentes de travailler. Et des responsabilités qui, en principe, ne se chevauchent pas. Les agents opérationnels s'occupent des espions, les analystes, jamais. Et dans l'affaire Levinson, c'est là que le bât blesse. Mais expliquez-moi. Levinson a été engagé par le clan des analystes. Son travail, pour eux, consiste à écrire des rapports basés sur son travail et son expertise. Mais Levinson n'entend pas en rester là. C'est un fouineur. Ah, il ne se contente pas, donc, de rédiger des analyses. C'est ça. Par exemple, quand il s'intéresse au cartel colombien et à la façon dont ils blanchissent l'argent de la drogue, il fouille tout azimut et rencontre des sources. Ouais, mais ça, c'est un travail réservé en principe aux agents opérationnels. Exactement. Et ça crée forcément des jalousies. C'est d'autant plus vrai que Levinson est un travailleur compulsif. Alors que son contrat ne prévoit que la fourniture d'un ou deux rapports par mois, il lui arrive d'envoyer jusqu'à 20 dossiers incluant des photos, des CD et d'autres documents. Au cours des 9 mois précédant sa disparition, cet agent très zélé a rendu plus de 100 mémos. Ouais, c'est considérable, ça. Et quel sujet traitait-il ? Les plus variés, mais naturellement, les enquêtes de Levinson portaient en priorité sur les crimes et intrigues en Amérique latine et en Europe de l'Est. Une telle fécondité était-elle un gage de sérieux et de qualité ? On peut en douter. Et les agents de la CIA qui ont ensuite enquêté sur l'affaire Levinson ne s'en sont pas privés. Mais sur le moment même, personne ne s'est inquiété, bien au contraire. Pour le service de Jablonski, cette fourniture de rapports à G-Continu, c'était de l'or en barre et aussi un formidable atout dans la compétition qui opposait la branche des analystes à la branche des opérations spéciales. Oui, parce que grâce à Levinson, les analystes marquaient des points. En effet. Mais en même temps, ça obligeait les deux complices à demeurer très prudents. C'est pourquoi aussi ils correspondaient par Internet en utilisant des pseudonymes. Car il ne fallait surtout pas que le clan des agents opérationnels apprenne que Levinson se livrait à des activités d'espionnage qui empiétaient sur leur domaine. Aussi, le service d'Anne Jablonski usait-il de subterfuges ? Par exemple, les voyages internationaux de Levinson lui étaient remboursés après coup et sur facture. Alors il devait avancer l'argent. Afin que l'on ne sache pas à l'avance où il allait. Bien sûr, ce n'est qu'un détail, mais il prouve que Levinson et par conséquent celle qui l'employait ne faisait rien dans les règles. Anne Jablonski, par exemple, feignait de ne pas contrôler son ami, dont le correspondant officiel à la CIA était un jeune analyste, Brian O'Toole. Mais dans les faits, tout ce qui concernait Levinson passait avant tout par Jablonski. Autre entorse à la discipline de la CIA. Avant qu'un agent ne rencontre un informateur, des membres du service de contre-espionnage étaient chargés de vérifier que cette source n'était pas un agent double. Oui, mais avec Levinson, ce n'était pas le cas. Non, car il travaillait en toute liberté, comme s'il était encore un enquêteur privé. Et il ne rendait compte à personne, à l'exception de Jablonski. À mon avis, ça lui a coûté très cher. Bon, encore une fois, n'allons pas trop vite. Fin 2006, ou début 2007, Levinson fait savoir à Anne Jablonski qu'il a besoin d'argent pour financer un nouveau voyage. Mais Elle lui apprend que les caisses de la CIA sont vides. Elle lui propose donc de faire une pause. Levinson ne veut rien entendre. Il est sur une piste, en Iran. Il précise ? Dans un courriel daté du début février 2007, Levinson annonce qu'il a rassemblé nombre de renseignements sur la corruption en Iran et qu'il est sur le point de recruter un informateur proche des autorités de Téhéran. Un rendez-vous aurait même été fixé à Dubaï ou dans une île proche, Kisk. Oui, dans le golfe Persique, donc. Mais Kisk, c'est une île qui relève de la souveraineté iranienne, non ? Oui, Levinson semble donc très excité et il veut savoir au cas où il engagerait personnellement des fonds, s'il pourra être remboursé. Si la réponse est négative, il annonce qu'il mettra fin à son projet. Et que répond Anne Jablonski, là ? Ben, on ne sait pas. Et plus tard, après la disparition de Levinson, l'analyste affirmera n'avoir aucun souvenir de ce courriel. Pourtant, quelques jours plus tard, Levinson dîne avec le couple Jablonski dans les faubourgs de Washington. Mmh. Ah, il a donc été certainement question du voyage que Levinson envisageait, non ? Eh bien non, toujours d'après Jablonski. Ils ont dîné dans une ambiance détendue et aucun sujet sérieux n'a été abordé. Réellement ? C'est presque certain. Mmh. Parce qu'à ce moment-là, Levinson est sur le point d'effectuer son voyage à Dubaï. D'ailleurs, très peu de temps après, les deux amis procèdent à un nouvel échange de courriels. Levinson rapporte qu'il n'a aucune nouvelle du bureau des contrats de la CIA. Jablonski lui répond en lui demandant de ne surtout pas impliquer l'équipe des analystes. Et son propre service, donc. Oui, et dans un nouvel email, Levinson lui promet qu'il restera discret et qu'il fera tout pour que son prochain voyage soit un succès. Mmh. Alors, concrètement, là, ce voyage, comment ça se passe ? Levinson arrive à Dubaï début mars. Officiellement, il est censé enquêter sur le trafic de cigarettes et l'implantation de la mafia russe dans l'Émirat. Puis, le 8 mars, très exactement, il embarque à bord d'un vol pour l'île iranienne de Kisk. C'est une destination touristique assez courue. Téhéran voudrait même en faire une place commerciale rivale de Dubaï. C'est pourquoi, sans doute, on peut y accéder sans avoir besoin de visa. Mmh. Il a donc rendez-vous là, avec son informateur dans cette île. Et qui est-il, celui-là ? D'après ce qu'on a pu apprendre plus tard, il s'agit d'un certain Dawood Salahuddin. Mais en réalité, il s'appelle David Theodore Belfield. C'est un Afro-Américain converti à l'islam et qui a fui les États-Unis dans les années 80 après y avoir assassiné un proche du Shah d'Iran sur ordre du régime des Mollahs. Recherché par les autorités états-uniennes, il a trouvé refuge en Iran. Et qui fait-il là ? Il travaille à la télévision iranienne. Et est-ce que l'on sait pourquoi Levinson a pensé pouvoir en faire son informateur ? Oui, Levinson a entendu parler de ce personnage par Ira Silverman, un ancien journaliste de la NBC qui a fait un long portrait de Salahuddin pour le New Yorker. D'après lui, cet exilé pourrait être une source potentielle de renseignements. Ouais. Alors, par conséquent, c'est ce Silverman-là qui a servi d'intermédiaire. Tout à fait. Mmh. Silverman, il le dira plus tard, qui est alors certain que Levinson est mandaté par la CIA. C'est important, parce que le journaliste qui connaît bien les usages de la CIA est donc persuadé que l'agence a prévu un plan d'évacuation de Levinson en cas de pépin. Mmh. Ah oui, donc il n'a aucun scrupule en organisant un contact avec ce Salahuddin. Parce qu'il était sûr que Levinson ne courait aucun risque. Et rendez-vous a été fixé à l'hôtel Mariam de Kisk. Dans le message que Levinson a reçu, il est précisé que son interlocuteur serait coiffé d'un béret noir. Un béret noir, on entend plein de policiers. Et la rencontre elle-même, alors ? Bon, elle a lieu dès l'arrivée de Levinson à Kisk. Dans l'après-midi, les deux hommes discutent de longues heures dans une chambre de l'hôtel Mariam. Ouais, sans doute afin de ne pas attirer l'attention. Ouais, enfin, il m'étonnerait que leur prise de contact dans le hall de l'hôtel ait échappé à l'attention des très suspicieux services iraniens. Ce sont quand même deux étrangers, deux Américains. Ouais. Au cours de cette longue discussion-là, Levinson a-t-il essayé de recruter ce Salahuddin ? Bah, il semble que non. Levinson aurait prétendu enquêter sur les trafics de cigarettes et annoncer son désir de rencontrer des responsables iraniens. Ouais, mais vous employez le conditionnel. Forcément, puisqu'on ne dispose que du témoignage de Salahuddin. Salahuddin qui a d'ailleurs déclaré qu'il n'aurait jamais accepté de travailler pour Levinson. Ouais. Et vivant en Iran, il pouvait difficilement dire le contraire. Et que se passe-t-il ensuite alors ? Le 9 mars, au matin, toujours selon Salahuddin, Les deux hommes sont interceptés par des policiers et immédiatement séparés. Pour sa part, Salahuddin affirme avoir passé une nuit en garde à vue avant d'être relâché. Levinson, alors ? Salahuddin n'en sait rien, car il ne l'a plus jamais revu. Patrick Pénaud, Rendez-vous avec X. Extrait d'un article de Pascal Richer dans Rue 89. Le journaliste écrit, je cite, « Selon le New York Times, qui a pu lire les emails de l'époque entre Jablonski et Levinson, ce dernier était très excité à l'idée de reprendre du service. Financé par l'équipe d'analystes de la CIA, le détective s'attelle à sa nouvelle tâche. Il rédige une centaine de rapports nourris de l'expérience de ses voyages, en Amérique latine notamment. Jablonski le félicite dans ses messages. Dans l'un d'entre eux, daté du milieu de l'année 2006, on comprend que le travail de Levinson devient un enjeu sensible dans la guerre interne que se livrent le département des analyses et le service action. Tu aurais tellement aimé être une petite fourmi lors de notre réunion d'aujourd'hui qui t'était consacrée. Tout le monde était si heureux de tes infos, mais aussi si nerveux à l'idée que nos collègues des opérations, qui font du moins bon travail, pètent les plombs. Sérieusement, nous devons rester prudents. » Salahuddin affirme avoir mené une enquête pour retrouver Levinson en se servant de ses contacts dans les services iraniens. Mais il a seulement appris que l'Américain était en détention et qu'il serait bientôt relâché à son tour. Aussi a-t-il essayé de faire pression en alertant le Financial Times. Grave erreur. Ça lui vaudra de sérieux ennuis. Menaces téléphoniques, non-renouvellement de son passeport, impossibilité de sortir d'Iran et licenciement de son poste à la télévision iranienne. Alors, ce qui indique que pour Téhéran, l'affaire est d'une certaine importance. Et quand la nouvelle de la disparition de Levinson est-elle connue aux États-Unis ? Oh, assez rapidement, et c'est sa famille qui donne l'alerte. Et à la CIA, alors, comment réagit-on ? Anne Jablonski, qui s'est dite horrifiée, aurait aussitôt informé ses supérieurs que Levinson s'était rendu en Iran au nom de la CIA. Mais une enquête interne menée au sein de l'agence conclut qu'il n'en a rien été. Alors Jablonski aurait encore menti. Conséquence, la CIA a très vite pris ses distances. Si elle a reconnu que Levinson avait bien produit des analyses, ses responsables ont affirmé qu'il n'existait aucun contrat financier entre l'agence et Levinson. Et un peu plus tard, en mai 2007, la secrétaire d'État, Condoleezza Rice, envoie un communiqué à toutes les ambassades états-uniennes. À l'époque de sa disparition, Levinson ne travaillait pas pour la CIA. Donc il s'est rendu en Iran pour des enquêtes privées. Si je comprends bien, Levinson est donc lâché par tout le monde. Effectivement. Et au fond, seul, sa famille et ses amis ont décidé d'agir. C'est ainsi que, fouillant dans l'ordinateur personnel de Levinson, qui avait pourtant été précédemment examiné par le FBI, un ancien procureur du département de la justice en Floride va découvrir la correspondance informatique échangée entre Jablonski et Levinson. Et ça devrait pouvoir tout changer. Ah ben c'est ce qu'espère l'épouse de Levinson. Cet ancien procureur, David McGee, adresse un courrier officiel à la commission sénatoriale sur le renseignement, démontrant que la CIA est totalement impliquée dans l'affaire Levinson. Conséquence ? Les membres de la commission sont furieux, car ils ont été roulés dans la farine par la CIA. Ouais, qui a nié que Levinson ait été l'un de ses collaborateurs. Et à la CIA, c'est la panique. C'est en effet la commission qui contrôle et décide des budgets des agents de renseignement. Donc il faut réagir, et vite. Mais il s'est passé déjà 8 mois depuis la disparition de Levinson. La CIA diligente donc une nouvelle enquête interne. Finalement, l'agence reconnaît avoir été impliquée. Mais malgré elle, elle a été trompée par ses propres agents. D'abord Tim Sampson, le patron du bureau sur les financements illicites. Et ensuite Anne Jablonski, qui le seconde. Ils ont agi sans en référer à leurs supérieurs. Ils vont être virés ? Évidemment. Ils risquent même d'être poursuivis, mais finalement il n'en sera rien. Très embarrassée, la CIA a payé à la famille de Levinson 120 000 dollars, c'est-à-dire la valeur de son dernier contrat. Et le gouvernement fédéral y a ajouté 2,5 millions en exigeant que rien ne soit dévoilé dans les médias. Ce que la famille a accepté ? Oui, mais enfin, ça ne l'a pas empêché, avec l'aide du FBI, l'ancien employeur de Levinson et du journaliste Silverman, de chercher à savoir ce qu'étaient devenus leur époux et parents. Ben, malheureusement, à deux reprises, ils vont être abusés par des intermédiaires douteux. On est maintenant en 2010. Et enfin, la famille reçoit une vidéo. Et qui voit-on, là ? Un Levinson barbu, fortement amaigri et au bout du rouleau, qui implore l'aide du gouvernement états-unien. Il dit aussi qu'il sera bientôt à court de médicaments. Mais donne-t-il des détails sur ceux qu'il retiennent ? Il évoque seulement un groupe dont il faut satisfaire les demandes. Les ravisseurs auraient donc déjà effectué ces demandes ? On peut le penser. Et la vidéo comporte une demande de liberté pour plusieurs prisonniers supposés être retenus aux États-Unis. Mais après vérification, les Américains n'en reconnaîtront aucun. Une demande bidon, donc. C'est probable. Quoi qu'il en soit, après la réception de cet appel au secours, la famille se décide à dévoiler publiquement l'affaire. Et ça oblige les autorités américaines à bouger. D'abord, bien sûr, les services secrets essaient de déterminer l'origine de la vidéo. Ils peuvent simplement établir qu'elle a été envoyée depuis un cybercafé du Pakistan. Ouais, donc autant chercher une aiguille dans une meule de foin. Oui, ensuite, des émissaires tentent de nouer un contact direct avec les Iraniens. Alors qu'il n'existe aucune relation diplomatique entre les deux pays. C'est exact. Au cours de cette rencontre secrète, les Iraniens affirment qu'ils n'ont aucune idée de l'endroit où se trouve Levinson, mais qu'ils sont prêts à aider. On peut toujours dire ça, ça n'engage à rien. Et en mars 2011, la secrétaire d'État, Hillary Clinton, affirme que Levinson est retenu quelque part en Asie du Sud-Ouest. L'Iran n'est donc pas désigné. Le mois suivant, la famille reçoit un autre message comportant des photos. On y voit Levinson affublé d'une combinaison orange, semblable à celle dont sont vêtus les prisonniers de Guantanamo. Une chaîne est passée autour de son cou. Et sur la poitrine, il porte un écriteau sur lequel on peut lire « Aidez-moi à rentrer à la maison. Je le mérite, après 33 ans au service des États-Unis. » Alors, encore une fois, les agents américains essaient d'identifier le numéro du téléphone portable qui a envoyé ces photos. Résultat ? Ces documents ont été envoyés depuis l'Afghanistan. Mais c'est tout. Les Américains en déduisent quand même qu'il y a derrière des professionnels du renseignement. Et donc, un État. Ils en sont persuadés. Il y aura encore d'autres contacts discrets avec les Iraniens. Ceux-ci affirmeront même avoir cherché Levinson en menant notamment des raids au Baloutchistan, une région aux confins de l'Iran, du Pakistan et de l'Afghanistan. Mais les Américains n'y croiront pas trop. En 2013, est-ce que le changement de pouvoir en Iran a permis quelque espoir ? Bien entendu. Mais il ne faut pas oublier que si le président Rouhani a remplacé Ahmadinejad, le guide suprême reste le même. En tout cas, il semble que Barack Obama en a parlé en personne à son homologue iranien lors de leur fameux coup de téléphone de 2013. Oui, mais sans obtenir de résultats concrets. Le président Rouhani, interviewé en septembre par CNN, a même répondu à une question sur Levinson. Nous n'avons aucune nouvelle de lui et nous ne savons pas qui c'est. Ouais, bref. Circuler. Oui, enfin l'affaire a pris de l'ampleur aux États-Unis. À la fin de l'année dernière, plusieurs grands organes de presse ont reconnu qu'ils savaient depuis le début que Levinson avait disparu. Mais ils avaient gardé le silence pour ne pas menacer la vie de Levinson. Ces révélations ont obligé la CIA, après 6 ans de silence et de dénégation, à reconnaître publiquement sa responsabilité. Mais Levinson, lui, est toujours absent. Et on peut légitimement envisager sa mort. À cause de ses problèmes de santé. Bien entendu. Alors avez-vous une explication ? Il est difficile de ne pas rapprocher l'affaire Levinson d'une autre disparition. Souvenez-vous, nous en avons parlé il n'y a pas si longtemps, février 2007, donc un mois avant que Levinson ne soit enlevé. Un général iranien, Ali Reza Asghari, a disparu des écrans radars. Rappelez-moi qui il était. C'était un personnage éminent. Dans les années 80, Asghari est le chef des gardiens de la révolution, iranien présent au Liban. Et à ce titre, il a noué des relations privilégiées avec le Hezbollah, qu'il a contribué à créer. Et il avait des liens étroits avec le responsable militaire du mouvement Imad Moukni. Ouais, c'est un homme qui a été assassiné en 2008 en Syrie. Très vraisemblablement par une équipe du Mossad. Au Liban, Asghari a donc été mêlé de très près à tous les mauvais coups perpétrés par l'organisation dans les années 80. Les prises d'otages occidentaux et peut-être même les terribles attentats de 1983 contre les QG militaires états-uniens et français. Il connaissait aussi toutes les filières d'approvisionnement en armes du Hezbollah, des armes fournies la plupart du temps par l'Iran et qui passaient par la Syrie. De retour à Téhéran, Asghari poursuit son ascension chez les Pasdaran et il est nommé vice-ministre de la Défense. Mais s'il a disparu en 2007, c'est de son plein gré ? Oui, sans doute à la suite d'un important différend d'ordre politique avec les autorités de Téhéran sur fond de corruption. En effet, vice-ministre de la Défense et chargé des affaires logistiques et des achats militaires, il se trouvait à un poste susceptible de permettre de nombreuses malversations. Alors, a-t-il été lui-même compromis ? Ou alors a-t-il découvert que quelques dignitaires religieux bien en place se sont copieusement remplis les poches ? Ça lui a valu d'être peu à peu écarté des premiers cercles du pouvoir. Mais en même temps, il devenait une cible. Et pour qui ? Pour les services de renseignement hostiles à l'Iran. Ah oui, parce qu'il était en possession d'une mine de renseignement. Il connaissait par exemple l'existence du site nucléaire secret d'Al-Kibar. En Syrie. Et peu après la disparition d'Asghari, ses installations seront bombardées par l'aviation israélienne. Et grâce aux informations fournies, peut-être, par le général iranien. Après sa défection, oui. Une défection qui a été vraisemblablement mise au point par un service occidental. Ouais. Lequel ? La CIA, peut-être, mais et plus sûrement le Mossad israélien. Des Israéliens qui, d'ailleurs, pour ne pas effaroucher Asghari, auraient peut-être d'abord prétendu appartenir à un autre service, le BND allemand, par exemple. Et cette défection a été un coup dur pour Téhéran. C'est certain. Et seulement un mois plus tard, Levinson a été enlevé. Et comme vous vous méfiez des coïncidences ? Les Iraniens ont peut-être pensé proposer un échange. Asghari contre Levinson ? Mais le marché était disproportionné. Car l'importance des généraux iraniens était sans commune mesure avec celle de Levinson. Les Israéliens ou les Américains ont donc gardé Asghari. Comme les Iraniens ne pouvaient pas révéler la vérité sur l'enlèvement de Levinson, eh bien, ils ne l'ont pas lâché. Pour terminer, je vous signale l'existence d'une très intéressante collection de petits livres édités en Suisse, Pensées d'hier pour demain, qui recense des textes écrits, par exemple, par Lumumba, Cabral, Ben Barka ou Fanon. Vous trouverez ces références sur notre site franceinter.fr. Rebecca Denant a préparé ce programme qui a été réalisé par Michel Biou, mis en musique par Monsieur Joub. À samedi prochain et tout de suite. Après les infos, c'est aux deux mon amour de Denis Chessou.